La médisance. Une vieille femme se rend compte qu'elle a une mauvaise habitude, celle de pratiquer assez vite la médisance. Elle sait que ce n'est pas bien. Elle ne sait pas comment changer cette habitude. Elle apprend que dans un petit village habite une personne, un sage qui peut l'aider. Elle décide alors de se rendre chez cette personne. « Pouvez-vous m'aider à changer ma mauvaise habitude ?» lui demande-t-elle. « Je crois que oui, » répond l'homme. « Mais à condition que vous fassiez exactement ce que je vous demande de faire. Vous allez vous rendre au marché et acheter une poule. Ensuite, vous traverserez les rues de la ville en plumant votre poule. » La femme ne comprend pas vraiment pourquoi elle doit agir de la sorte, mais elle le fait quand même. Puis elle retourne chez le sage pour lui dire qu'elle a bien acheté la poule et l'a plumée. « Très bien, » lui répond l'homme. « Et maintenant ?» J'aimerais que vous retourniez dans les rues pour ramasser les plumes. » La femme réfléchit un instant et lui dit « Ah non, ça ne va pas. Comment puis-je faire? Les plumes se sont toutes envolées. » « Vous avez raison, » dit le sage. « Et c'est pareil, lorsque vous dites du mal de quelqu'un, ce que vous avez dit une fois sur une personne, jamais vous ne pourrez le reprendre, même si vous le voulez. »